ah papa, attaque au poteau en haut, attaque au début à la vie en haut, attaque au article 15 ans. Le nom qu'on va mettre dans Kinshasa, le nom qu'on va montrer à trait. On va rappeler tout ce que tu veux dire, tu es un bateau, tu es un bateau. Mon ben boy est ok, attaque au canapé, pour le bac et nanga, pour qu'on me la tête, si tu es ok, ou me dit. Na boy ko de connaître, tu sous mon ami sans amener.